J'ai téléphoné pour l'annonce du journal. Que rapprendre d'une jeune fille pas banale? Je n'étais pas le premier, mais j'étais très pressé. Elle m'a dit rappelle-moi, ce soir je suis fatigué. Le premier rendez-vous au café des amis m'a permis rapidement de lui dire t'es jolie. J'ai vite pensé qu'on était fait l'un pour l'autre, mais les années ont passé et je me suis rendu compte que j'en ai pris pour quelques années encore. Mais c'est sûr, ça ne va pas durer. Un concept moderne dont il faut s'habituer. On change souvent, faut surtout pas se lasser. J'avais pourtant misé sur la durée, mais son cœur n'a pas cédé. Je rêvais de la perpétuité, mais elle m'aime en CDD. La la la la la la la la la la la la la la la. Je suis simple locataire, je n'ai pas la classe du propriétaire. Elle est dure en affaire, jamais je ne pourrais lui plaire. Je suis devenu un simple objet décoratif, celui qu'on garde pas toujours très admiratif. Elle m'a dit t'es pour moi, celui dont j'ai besoin. Je sais qu'elle m'utilise, mais je n'y peux rien. Mes amis m'ont tous dit va-t'en et demain, mais je peux pas, je suis fragile et ça sert à rien. Car j'en ai pris quelques années encore, mais c'est sûr, ça ne va pas durer. Un concept moderne dont il faut s'habituer. On change souvent, faut surtout pas se lasser. J'avais pourtant misé sur la durée, mais son cœur n'a pas cédé. Je rêvais de la perpétuité, mais elle m'aime en CDD. Je rêvais de la perpétuité, mais elle m'aime en CDD.